Toyota. Bon, papa compte les équipements de l'Aygo et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, climatisation, écran tactile, feu de jour à LED, Bluetooth. On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Repartez dès maintenant avec la Toyota Aygo à partir de 69€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant pour tout Aygo X-Play 5 portes 9 commandées avant le 30 juin et livrées avant le 31 juillet. Dans la limite des stocks disponibles en LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 2090€, prime à la conversion déduite et remise de 2900€ incluse. Voir Toyota.fr. Imaginez que les philosophes antiques soient à vendre. Zeus et Hermès auraient décidé d'organiser une vente aux enchères des plus grands philosophes sur la place publique. Ainsi, chacun défilerait et devrait mettre en avant ses plus grandes qualités de manière à faire monter le prix de vente. C'est ce qu'a imaginé le satiriste Lucien de Samosate au IIe siècle après Jésus-Christ dans sa pièce « Philosophe à vendre », ce qui nous donne une petite idée de ce philosophe qui pleure, qu'était Héraclite. Les deux que voici, l'homme qui rit, celui d'Abdère, Démocrite, et l'homme qui pleure, celui d'Éphèse, Héraclite. Des deux, je veux faire un seul lot pour la vente. Descendez tous les deux au milieu du public. Zeus, quel contraste! L'un ne cesse de rire, l'autre a l'air d'être en deuil de quelqu'un. Il ne fait que pleurer. Pourquoi pleures-tu, mon brave? C'est que, selon moi, étranger, les choses humaines sont affligeantes et pitoyables. Et il n'y a rien en elles qui échappe à la mort. Voilà pourquoi j'ai pitié des hommes et me lamente sur eux. Le présent me paraît peu de choses, mais l'avenir, complètement sombre, j'y vois l'embrasement et la fin tragique de l'univers. C'est ce qui me fait gémir. Bonjour Philippe Choulet. Bonjour Madame Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous y recevoir. Vous êtes professeur honoraire de philosophie en classe préparatoire à Strasbourg, au lycée Fustel de Coulanges, et d'histoire de l'art et des médias à l'école Émile Cole à Lyon. Est-ce que vous êtes plutôt philosophe qui pleure ou philosophe qui rit? Ça dépend des jours, mais quand même la tonalité fondamentale, ce que Nietzsche appelle la Heiterkeit, ce qu'Éric Blondel traduit par la belle humeur, on pourrait dire la haute humeur ou la grande humeur, elle est plutôt chez moi régulière. En tout cas, une bonne humeur de fond. Mais est-ce que c'est une question de choix, vous croyez? Alors il y a, à mon avis, il y a une humeur fondamentale. Il y a des gens qui sont plutôt mélancoliques et des gens qui sont plutôt joyeux. Et puis des fois, je pense qu'il faut décider d'être heureux. Hein. Saint Augustin dit être heureux, c'est aimer ce qu'on a. Voilà. Et donc, il y a quand même une décision, c'est-à-dire cesser de prendre les choses au tragique, ou plutôt accepter le tragique, mais en riant. Et je pense que c'est ça la position de Nietzsche par rapport à Héraclite. Et c'est ce qui va faire que Nietzsche distinguera le pessimisme moral, auquel il rattache Héraclite à Schopenhauer, et le pessimisme vraiment tragique, hein, qui est le sien. On va essayer de comprendre aujourd'hui les liens entre la pensée d'Héraclite et celle de Nietzsche. Le programme est tendu, on peut le dire d'emblée, parce que d'Héraclite, on en a déjà parlé hier et on en parlera jusqu'à jeudi, hein, mais on ne sait pas grand-chose. De Nietzsche, on sait beaucoup de choses, mais on sait aussi que chaque pensée, chaque concept nietzschéen est souvent ambivalent, change selon le jeune Nietzsche ou le vieux Nietzsche dont on parle. Et pourtant, la rencontre entre les deux a quelque chose d'absolument stimulant et de fascinant, Philippe Choulet. Oui, c'est fascinant et stimulant. C'est une raison qui tient d'abord à l'état des textes d'Héraclite, puisqu'on a des fragments, donc des morceaux, et il faut essayer de trouver un lien entre les morceaux. Donc on recompose, on lit, comme disait Montaigne, on ne cesse de s'entregloser. Et donc l'histoire de la lecture d'Héraclite, c'est l'histoire de l'interprétation que l'on fait d'Héraclite avec différents points de vue, hein, qui peuvent être ceux de l'Antiquité, par exemple les stoïciens, ou bien qui peuvent être ceux de la modernité philosophique, avec Hegel, avec Schopenhauer, avec Nietzsche, avec Schleiermacher, avec Heidegger au XXe siècle, et puis les poètes dont on a parlé hier, je pense à Borges, à Char, etc. Donc il y a évidemment quelque chose de si énigmatique dans le matériau héraclitéen que ça stimule la pensée, parce que comme disait Heine, la pensée n'aime pas les trous de l'être. Alors, elle essaie de les remplir, quoi, comme elle peut. Nietzsche, il s'attient aussi beaucoup à la méthode nietzschéenne, parce qu'il y a quelque chose d'assez émouvant dans le devenir nietzschéen. Je le dis rapidement. La première chose, c'est déjà, il a 25 ans, il est nommé professeur à Bâle. 25 ans quand même. Bon, et il démarre sa carrière de professeur de philologie, et puis il s'aperçoit que on peut pas faire de philologie sans faire de philosophie, justement parce qu'il fait de la philologie grecque, et donc il s'attaque à des corpus qui sont en lambeaux, et il va essayer de donner du sens à ça. Ensuite, comment dire, c'est un grand travailleur, Nietzsche. Il faut jamais oublier ça. C'est un grand lecteur et un écrivain copieux. Les œuvres complètes sont immenses. Et c'est quelqu'un qui est soucieux de quelque chose de très, très touchant, je trouve. C'est quelqu'un qui cherche une forme de légitimité philosophique. Et donc, il est sans cesse en train de chercher les précurseurs, dont Héraclite, mais ça sera par exemple le cas avec Spinoza, et puis aussi des oppositions. Opposition à Platon, au christianisme, à la judéité, à Hegel, que sais-je encore, ou à Kant. Mais c'est quelqu'un qui cherche, à légitimer ce que j'appellerais son assimilation, c'est pour conquérir une forme d'identité philosophique, pas une forme de système, parce qu'il n'ira pas jusque-là, même si on peut trouver une logique et une cohérence, mais en tout cas une légitimité philosophique. Et je pense toujours à aux phrases de Valéry, « Le tigre est fait de gazelles modifiées », le lion est fait de moutons assimilés, et il y a quelque chose là dans l'exercice nietzschéen de la lecture par rapport à Héraclite qui relève du droit naturel de la force, c'est-à-dire on s'empare de quelque chose et on en fait quelque chose, on le transforme. Il est assez lucide sur cette question dès les premiers textes, les premiers cours qu'il fait sur Héraclite quand il est jeune professeur. Et il y a quelque chose là de très, très fort, parce que c'est un travail d'assimilation d'Héraclite qui va durer jusqu'à la fin, jusqu'au crépuscule des idoles, donc qui date de la dernière année d'écriture de Nietzsche, 1888, Nietzsche a 44 ans, il y a quelque chose, c'est un jeune philosophe, c'est une philosophie de jeune homme, il faut jamais oublier ça. Et oui, il mourra 12 ans plus tard, mais sans écrire, publier en tout cas. Il perd l'esprit en janvier 89. Ouais. Donc, il est dans sa 45e année, et ensuite, il survit, il végète pendant une dizaine d'années, puisqu'il meurt en août 1900. Et il y a là quelque chose de très, très fort chez Nietzsche, de très constant par rapport à Héraclite. Donc, outil d'assimilation pour intégrer le domaine de la philosophie, mais il y a quand même aussi des affinités entre la pensée de Nietzsche et d'Héraclite, non ? Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il va essayer de fonder ses affinités. C'est pas des affinités, c'est pas des affinités hasardeuses. Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de points, comme par exemple l'intérêt du devenir, l'intérêt pour la guerre, si Polémos et Agone, c'est-à-dire le combat et la guerre, sont le conflit, sont les pères de toutes choses. C'est ce que dit Héraclite. C'est ce que dit Héraclite. Eh bien, il faut l'inclure dans la stratégie philosophique. C'est l'avant-propos du crépuscule des idoles. C'est-à-dire, c'est guerre aux idées, guerre aux idoles. Des idoles qui vont s'appeler Schopenhauer, qui vont s'appeler Wagner, etc., etc. Et donc, il y a effectivement ce travail long, constant, et très approfondie, parce que même si dans les textes publiés, je sais pas, je pense à la généalogie de la morale ou au Crépuscule des idoles, les références à Héraclite sont pas très fréquentes, il reste quand même un travail de fond. J'ai calculé qu'il y avait à peu près 40 à 45 aphorismes des fragments posthumes qui portaient sur Héraclite. C'est-à-dire, en fait, il y pense toujours. Oui. Hein, c'est vraiment une continuité de pensée. Et c'est pour ça qu'il finit par dire que s'il y a un philosophe avec lequel il a vraiment des affinités électives, c'est bien Héraclite. C'est vraiment celui dont il est le plus proche, même s'il y a de temps en temps quelques réserves. Il y a là quelque chose comme une vraie parenté philosophique. Et qui va évoluer au fil des ans, on l'a dit, puis on va revenir là-dessus évidemment. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer à esquisser la nature même de ces affinités, que Héraclite et Nietzsche ont en commun cette pensée du devenir, et que dans un cas, chez Héraclite, cette pensée-là le fait pleurer, et dans l'autre cas, chez Nietzsche, qui serait plus du côté de Démocrite, eh ben, il arriverait à produire ce fameux rire qui lui permet de tenir bon? Oui, je pense que la ligne de césure, elle est là. C'est-à-dire, une fois qu'on a constaté la dimension terrible du devenir, du flux de toute chose. Alors pourquoi c'est terrible déjà? Ben, c'est terrible parce que, évidemment, c'est une pensée de la finitude. C'est-à-dire, nous sommes mortels, nous vieillissons, nous sommes à la merci des accidents, etc. Et toutes ces choses-là, tous les événements, sont de l'ordre du devenir. Et puis, le temps qui passe est irréversible. On revient pas en arrière, hein. On remet pas son existence à plus tard, comme disait Bataille. Et il y a quelque chose là d'un peu fort, qui s'oppose, comment dire, au fantasme de l'éternitarisme, comme dit Nietzsche, ou de l'immortalité que nous aimerions avoir. Et donc, nous allons vers la mer, quoi. Nous allons vers la mort. Vers la mer et vers la mort, oui. Ou on retourne à la mer, allez savoir. Et il y a quelque chose là qui est difficile, évidemment, à accepter, parce que, je veux dire, le narcissisme humain, c'est-à-dire l'amour de soi ou l'amour propre, aimerait que nous soyons au-delà du temps qui coule, au-delà du devenir, et puis nous savons que c'est une épreuve perpétuelle. Donc, après, une fois qu'on a constaté ça et qu'on l'admet, reste à savoir si on l'admet de manière, par exemple, stoïcienne, si on se résigne. Si on l'admet de manière héraclitéenne, c'est-à-dire est-ce qu'on en fait un drame et on en pleure comme un enfant, peut-être comme un enfant qui joue, allez savoir, ou alors est-ce qu'on l'accepte comme une vérité fondamentale de l'existence, et c'est à ce moment-là, et voilà le problème nietzschéen, on essaie de dépasser cette expérience, de la transmuer, de la métamorphoser en affirmation de la vie. C'est pour ça que Nietzsche va s'emparer du thème héraclitéen. Il a été sensible au lien entre le devenir et la question de l'éternel retour, mais c'est au moment du Gai Savoir, donc dans les années 1882, il va s'emparer des thèmes héraclitéens pour transformer justement ces idées-là en amor fati. L'amour de la nécessité, hein, amor fati, l'amour du fatum, en pensée de l'éternel retour, mais c'est pas l'éternel retour cosmique, et c'est là qu'on voit que Nietzsche est quand même un très grand penseur, c'est l'idée que chaque instant de notre vie, il nous faut l'aimer de telle manière que nous pouvons désirer qu'il revienne une infinité de fois. Par exemple, la rencontre que j'ai avec vous, il me faut l'aimer de telle manière à ce que j'accepte, à ce que j'ai la force en moi, que cela revienne une infinité de fois. Vous croyez que c'est possible? Je ne sais pas. Moi, je veux bien, hein. Je veux bien que vous veniez tous les matins, il n'y a pas de problème. Oui. Le problème, c'est quasiment impensable. Parce que on peut penser, par exemple, qu'il y ait une répétition 1, 2, 3, 4 fois. Oui, mais l'éternité, on ne peut pas se la représenter. Mais une infinité de fois, c'est abominable. C'est l'idée, Nietzsche dit, c'est l'idée la plus cruelle que j'ai trouvée pour parvenir à aimer la vie. Et cette idée-là, c'est l'idée du rire. C'est-à-dire, c'est le rire infini des dieux. Alors, il n'y a plus de Dieu puisqu'ils nous répondent plus, ça c'est sûr. Et donc, la divinité du rire, elle est là. C'est d'accepter que chaque moment, alors même que ce moment coule et va à la destruction, que chaque moment puisse se répéter une infinité de fois. Mais c'est une manière d'échapper au devenir, puisqu'on est dans la répétition. Ah, c'est une manière d'éternité. Ouais, donc on fuit le et devenir. Et c'est pas une immortalité de l'âme. C'est une pensée éternelle. Spinoza disait que quand nous contemplons un triangle rectangle, nous savons que nous sommes éternels, parce qu'il y a une vérité éternelle du triangle rectangle. Chez Nietzsche, je trouve que c'est un peu plus sexy. C'est-à-dire c'est l'idée que, comme il dit dans Le Gai Savoir, cette araignée, cet événement tragique pour moi, je dois l'aimer de telle manière à ce que je puisse supporter l'idée qu'il revienne une infinité de fois. Et ça, ça vient d'Héraclite. Mais c'est un Héraclite transformé, parce que Nietzsche ne veut pas en rester aux pleurs d'Héraclite. Il veut justement affirmer la vie avec le rire divin des dieux. Et mais pour affirmer la vie, il est obligé quand même de nier le flux permanent, le devenir et l'irréversibilité du temps, puisqu'il postule la possibilité d'un retour à l'infini de ce qu'il est en train de vivre. Oui. Donc il doit se détacher de ce que dit Héraclite. D'accord, il peut en rire, mais il transforme aussi ce devenir. Ben, il le transforme par la pensée. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que... C'est une protection aussi. C'est peut-être une protection, mais c'est surtout une expérience. La grande idée nietzschéenne, c'est que les hommes expérimentent sur eux-mêmes. Et ils expérimentent biologiquement, on le sait, ils expérimentent par la guerre, ils expérimentent par les sensations, par les rites d'initiation, que sais-je encore, ou même par la musique qu'on fait Wagner. Bon. Mais ils expérimentent aussi par la pensée. La pensée est une expérience sur soi-même. Après tout, on pourrait très bien considérer que les aphorismes d'Héraclite, à propos du temps et du devenir, à propos du feu et de l'eau, à propos du combat et de la mort, ou à propos, par exemple, de la posture aristocratique, puisque Héraclite n'a que mépris pour les oi polloi, c'est-à-dire pour les nombreux, pour la foule, et ça sera une position nietzschéenne aussi, on pourrait penser que ce sont des expériences que le sujet Héraclite fait sur lui-même, parce qu'il faut expérimenter ses pensées pour voir si elles tiennent. Et je crois que cette idée-là chez Nietzsche, elle est vraiment existentielle au sens propre du terme, c'est-à-dire que finalement, le cosmos va en enfer, si j'ose dire. Il va vers le chaos. La grande idée nietzschéenne, c'est qu'il n'y a pas de cosmos. Là aussi, il va s'opposer à Héraclite pour qu'il y ait une harmonie quand même. Il y a une harmonie, il y a des lois, il y a une légalité de la physis, de la nature. Donc, il y a quand même un ordre. Nietzsche va détruire ça en disant que tout ça, c'est encore de l'anthropomorphisme, c'est des projections imaginaires. Et donc, en réalité, le fond de l'être, si j'ose dire, c'est le chaos, c'est-à-dire un désordre absolu. Je sais pas, on pourrait penser à la soupe originelle de l'univers. C'est ce qu'il appelle le dionysiaque. Alors c'est ce qu'il appelle le dionysiaque, c'est-à-dire le dionysiaque, on y va sans aucun problème. C'est pour ça qu'il reproche à Héraclite d'être resté apollinien, puisque Héraclite a gardé une idée de la nature, une idée de la légalité de la nature, une idée finalement de la justice immanente, puisque nous naissons, nous méritons la mort, puisque naître, c'est aller vers la mort, faire naître, c'est donner la mort, etc. Nietzsche va dépasser ça en pensant qu'effectivement, il y a cette idée très forte d'un chaos, et donc la question est-ce qu'on est suffisamment fort pour supporter de manière infinie la vérité de l'idée du chaos. C'est-à-dire la vérité de l'idée, il n'y a pas, comme vous le disiez avec Jean-François Prado hier, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de substance. On est dans un flux sans doute plus dramatique et plus tragique encore que celui d'Héraclite. Parce que celui d'Héraclite est encore gouverné par le logos, par la raison, par une forme de légalité de la nature. Et Nietzsche va opérer ce déplacement-là, mais il reconnaîtra toujours à Héraclite le mérite de l'avoir stimulé et de lui avoir finalement donné ces idées-là et l'occasion de forger ces idées-là. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'Héraclite signifie pour Nietzsche, du moins au début pour lui, on peut prendre une image que Nietzsche prend lui-même dans ses considérations inactuelles, c'est la musique de Wagner. La musique de Wagner qu'il compare explicitement à l'image du monde telle que le concevait Héraclite. Écoutez ce texte et vous verrez comment cette comparaison peut être très féconde pour la philosophie de Nietzsche. La musique de Wagner, dans son ensemble, est une image du monde telle que le concevait le grand philosophe d'Éphèse. Une harmonie enfantée par le conflit, l'union de la justice et de l'inimitié. J'admire la possibilité de calculer la ligne majeure d'une passion commune d'après un certain nombre de passions, suivant toutes un cours différent. Et je vois la preuve de cette possibilité dans chacun des actes des drames de Wagner, qui racontent parallèlement l'histoire particulière de différents individus, et celle qui leur est commune à tous. Dès le début, nous sentons que nous sommes en face de courants opposés, mais aussi d'un fleuve au cours puissant qui les domine tous. Ce fleuve coule d'abord irrégulièrement sur des écueils invisibles. Parfois, ses ondes semblent vouloir se séparer violemment et suivre des directions différentes. Peu à peu, nous voyons leur mouvement devenir plus fort et plus rapide. L'agitation convulsive est absorbée dans le calme imposant d'une marche incessante vers un but encore inconnu. Et tout à coup, vers la fin, le large fleuve, dans toute sa force, se précipite vers l'abîme avec un désir fatal du gouffre et de ses fureurs. Jamais Wagner n'est plus lui-même que lorsque les difficultés s'accumulent et qu'il peut agir dans des conditions gigantesques avec la noble joie du législateur. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons des fragments d'Héraclite cette semaine, le mystère, l'énigme Héraclite aujourd'hui, dans la manière qu'il a eu d'être ressaisi dans la philosophie de Nietzsche avec le professeur de philosophie Philippe Choulet. Le texte que vous venez d'entendre lu par Denis Podalydès nous donne des éléments pour comprendre ce lien et le creuser. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments aussi, Philippe Choulet. Mais arrêtons-nous sur cette image du fleuve magnifique. Il dit bien « L'agitation convulsive est absorbée dans le calme imposant d'une marche incessante vers un but encore inconnu ». Et tout à coup, vers la fin, le large fleuve, dans toute sa force, se précipite vers l'abîme avec un désir fatal du gouffre et de ses fureurs. Ce désir fatal du gouffre et de ses fureurs, c'est le chaos dont vous parliez à l'instant? Alors, on pourrait le lire comme ça, effectivement. Mais la réponse est non, quand même. Bon, pour deux, trois raisons assez nettes chez Nietzsche. D'abord, il faut rappeler que ce texte est un texte de jeunesse. C'est un texte qui réconcilie deux amours de Nietzsche, Héraclite donc et Wagner. Et c'est l'époque où Nietzsche, est un fervent wagnérien. Wagner a d'ailleurs des projets pour lui. Il aimerait faire de Nietzsche son philosophe officiel, son porte-parole philosophique, pour ainsi dire. Nietzsche est séduit, mais finalement, il rompra les amarres au moment de Humain trop humain, quelques années plus tard. Mais ce sont des textes qui sont néanmoins très important. D'abord, Nietzsche ne les renie pas, hein, parce que ça fait partie de son processus de formation, je parlais de rite d'initiation tout à l'heure, et il écrit là des choses très remarquables sur la question du schématisme de la musique, c'est-à-dire comment on peut représenter en musique les mouvements de l'eau, hein, et notamment donc cette espèce de gigantesque fleuve wagnérien qui va à la mer et qui va à la fois à la destruction et puis en même temps à la vie renaissante. Le deuxième point, c'est que le corpus ici par rapport à Wagner est fondamentalement romantique. Nietzsche s'est toujours méfié considérablement du romantisme et en particulier, il a été très vite sensible à quelque chose que Wagner avait emprunté à Beethoven, c'est-à-dire la mélodie infinie. Justement, cette espèce d'infinité comme ça de l'écoulement de la musique, hein, qui semble ne jamais se terminer, ne jamais finir. Il y a quelque chose qu'on trouve aussi par exemple chez Debussy. Et Nietzsche est très sensible, je dirais presque à l'ambivalence ou à la dangerosité de ce genre de séduction, de ce genre, il appelle Wagner le grand sorcier. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que c'est trop séduisant, et puis ça va justement vers une espèce de morbidité. Le défi nietzschéen, c'est d'essayer de penser l'union entre la mort et la vie. Il faut que le désir de vie soit plus fort que le désir de mort. Or, il sent chez Wagner déjà quelque chose comme une fascination par rapport à la mort, quelque chose de morbide, quelque chose de thanatologique, ce qu'il y a évidemment dans l'héritage schopenhauerien. En fait, Wagner est schopenhauerien, Nietzsche est schopenhauerien à cette époque-là, et il sent qu'il y a quelque chose qui est évidemment une idée très forte, très puissante, très séduisante, dont il va se démarquer quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il faut bien situer ce texte-là d'unité Héraclite Wagner dans son contexte. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche va sortir Héraclite du creuset wagnérien. On ne retrouvera pas cette espèce comme ça de fascination pour, j'allais dire, pour l'eau, pour le flux. En revanche, il va garder l'idée du feu. C'est-à-dire, bon, pour le dire un peu vulgairement, Nietzsche va, à partir du Gai Savoir notamment, va affirmer l'idée qu'il faut foutre le feu. Hein. Le feu étant le principe premier chez Héraclite. Hein. Le feu étant le principe premier chez Héraclite. Mais il y a chez Héraclite... Il en fait de la dynamite, c'est ça, Nietzsche? Oui, la dynamite. Chez Héraclite, il y a une analogie schématique entre le feu et l'eau, puisque ce sont deux flux. Hein. Il y a un flux froid et un flux chaud. Chez Nietzsche, on va passer plutôt à ce que Junger appelle le boute-feu. Hein, c'est-à-dire on va foutre le feu, comme Hume disait à la fin je crois que c'est le traité de la nature humaine, mais je suis pas sûr, il disait on va brûler la métaphysique. Si on brûle la métaphysique, on peut vous assurer, il se passera rien. Voilà, c'est un événement néant pour l'humanité. On n'en a pas besoin de métaphysique. Nietzsche pense la même chose, c'est-à-dire que on va mettre le feu aux idoles. Hein. Le crépuscule des idoles, ça n'est pas le crépuscule des dieux. Hein. On a là quelque chose comme une continuité. Et Nietzsche va réhabiliter plutôt l'image du feu, le feu qui circule dans l'éternel retour, le feu de la pensée, etc. Donc on peut dire que chez Nietzsche, il y a davantage cette dimension destructrice, au fond, que chez Héraclite. Oui, il y a la... Je pense notamment à l'importance accordée aussi à la question de l'oubli pour Nietzsche. En fait, un des problèmes dans la pensée du devenir telle qu'Héraclite la propose, la formule, c'est que on est lourd. Le devenir, c'est le fait qu'on est sans cesse en train de devenir quelque chose, mais on a été quelque chose que l'on charrie avec nous. On est lourd de ce flux, et Nietzsche ne cesse de vanter les vertus de l'oubli. Oui, mais c'est là qu'on voit la ligne de fracture entre Nietzsche et Héraclite. Chez Héraclite, vous pouvez toujours penser la mort, le devenir, la destruction, voilà, le fait même, comme vous le disiez hier avec Jean-François Prado, qu'il n'y a pas d'être et pas de substance et donc rien ne tient. Mais vous le pensez, si j'ose dire, c'est ce que pense Nietzsche, en toute sécurité, puisque vous avez la fucis derrière, il y a une légalité de la nature, il y a quelque chose qui est, autonome. Hein. Alors que chez Nietzsche, justement, il n'y a plus de nature. Hein. Dans le rapport à Spinoza, par exemple, Spinoza a écrit « Deus sibue natura »,« Dieu ou la nature ». Nietzsche répond « Chaos sibue natura », le chaos ou la nature. C'est-à-dire qu'il casse radicalement toute l'égalité de la nature et il reprochera à Héraclite d'avoir maintenu des formes anthropomorphiques, des projections imaginaires du côté d'une loi de la nature, d'une légalité de la nature, donc des formes de prévisibilité que vous avez, par exemple, dans l'éternel retour héraclitien. Bon, si ce sont des thèses cosmologiques, évidemment. Il y a là quelque chose d'important et je crois que la découverte fondamentale de Nietzsche par rapport à Héraclite sur cette question d'une fiction de la nature ou d'une fiction de la légalité, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup travaillé. Bon, entre parenthèses, ça pourrait être un très remarquable sujet de thèse. C'est une idée kantienne. Alors, Nietzsche n'est pas kantien, mais il est intéressé, on le voit dans tous les derniers grands textes des trois dernières années, par l'idée du schématisme. C'est-à-dire que l'imagination humaine, puisqu'il n'y a pas de nature, projette sur le réel matériel des images et des schèmes. Dans ces images et ces schèmes, il y a évidemment des règles, par exemple les règles des lois de la nature. Là, on est encore dans un contexte kantien. Mais ce qui est intéressant chez Nietzsche, c'est que, paradoxalement, il fait référence à Héraclite parce qu'Héraclite est apollinien et donc c'est un théoricien des formes. Nietzsche estime que ces formes que nous projetons sur la nature sont des formes qui ont quasiment la fonction du transcendantal, mais sans transcendantal. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est des formes anarchiques, c'est des formes libres, c'est des fictions que l'homme projette sur la nature matérielle. Et donc, le nouvel infini, dit Nietzsche, c'est l'infini des interprétations, c'est-à-dire l'infini des projections imaginaires, mais il n'y a plus d'être et plus de substance derrière. Si bien que l'on ne sait pas si l'on doit rire ou pleurer. Pourriez pas pleurer un coup ? Comment ? Pleurer un petit coup comme ça, ça va peut-être l'attendrir. Pleurer comme ça maintenant ? Bah oui. C'est pas commode. Bah vous pleurez bien parce que j'ai plus d'essence. Je pleure tout le temps, mais pas sur commande. Eh ben pleurez pas, mais elle parlera pas. Oh. Attendez. Je vais essayer. Dépêchez-vous. Ouais, dépêchez-vous, vous êtes marrant, vous. Faut que je pense à quelque chose de triste. Voyons, voyons. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait des mois que je pleure. J'emmerde tout le monde avec ça, et pour une fois qu'on me demande. Pas cette fois-ci. Oh, oh, le con, il m'a foutu une baffe. Ah, mais c'est foutu. On peut repartir. Ben voilà. Je suis désolé, Lucas, mais ça fait longtemps que je ne m'étais pas marré comme ça. J'en ai les larmes aux yeux, dites donc. Alors, est-ce qu'on peut dire, Philippe Choulet, ce sont les compères, les compères de Francis Weber qui vont nous aider à formuler ce point-là, donc Pierre Richard et Gérard Depardieu, faut-il les présenter, que le rire de Nietzsche serait l'aboutissement du pessimisme tragique, qu'il faut peut-être redéfinir d'ailleurs, de la mort fatigue dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire que ça permet de dépasser le pessimisme moral et les pleurs d'Héraclite. Oui. En fait, la question, elle est assez simple, c'est pour quelle raison rit-on et pour quelle raison pleure-t-on ? Ou exactement, quelle est la teneur des rires et quelle est la teneur des pleurs ? Bon, parce qu'on peut pleurer de rire, comme on l'entend là à l'instant, et puis on peut aussi pleurer sans larmes. Il y a des pleurs secs, il y a des pleurs intérieurs, il y a des pleurs de rage, il y a des pleurs rentrées, etc. Et puis, on peut rire aux larmes, donc, effectivement. Et puis, on peut rire aux éclats, comme Dionysos qui s'éclate, qui fait exploser le monde, à l'opposé d'Apollon qui garde le monde par ses lois, par son ordre et son harmonie. Et donc, il y a là quelque chose chez Nietzsche qui est assez vigoureux dans l'idée qu'il y a plusieurs teneurs du rire. On peut parler déjà des teneurs des pleurs, parce que la question c'est de quoi pleure Héraclite ? Pourquoi il pleure ? Bon, les pleurs d'Héraclite sont en phase avec le flux, que ce soit le flux de l'eau ou le flux du feu. Et comme vous le disiez hier, il y a l'idée que les âmes sont humides, et puisque les âmes sont humides, et notamment, comme dira Aristote, les âmes féminines sont humides, elles sont plus humides que celles des hommes, c'est bien connu. Bon, ça fait partie de la phusis, ça fait partie de la nature. Les pleurs sont c'est de l'eau. Héraclite le regrette, Lui, Héraclite le regrette, les vertus de l'âme sèche, il aime la sécheresse. C'est ça, mais il constate quand même que c'est la plupart des hommes, les oi polloi, et les femmes. Donc les messieurs tout le monde, c'est ça? Monsieur et les tout femmes le monde, les femmes, donc pleurent plus naturellement, la pitié de femme, comme dira Spinoza, etc., etc. Voilà, bon, il y a ce fond là qui est évidemment un peu désastreux aux yeux d'Héraclite. Et les aristocrates, les rares, si l'on peut dire, les aristoi, eh bien, eux ne pleurent pas. Mais ils peuvent pleurer dans des moments de saisie ou d'expérience de la vérité, comme quand on voit le spectacle du flux qui va vers la destruction et la mort, on peut en pleurer parce que, comment dire, ce sont les passions tristes, c'est les passions qui sont celles d'une désagrégation continuelle de l'être, etc., etc. De ce côté-là, le rire d'Héraclite pour Nietzsche est un rire moral. C'est Héraclite rit, le rire d'Héraclite. Les pleurs d'Héraclite. Les pleurs, oui. Les pleurs. Vous voyez, on est déjà dans la confusion. Oui. Les pleurs d'Héraclite sont des pleurs moraux, c'est-à-dire c'est des pleurs de lamentation. Et de ce côté-là, d'Héraclite à Schopenhauer, il y a une filiation très nette dans l'héritage. Le problème est de savoir, dit Nietzsche, si on doit s'interdire de pleurer. La réponse est évidemment non. Tout dépend de la teneur de votre pleur. Hein. On sait, par exemple, que en janvier 89, il tombe dans les rues de Milan ou de Turin, je ne sais plus. C'est Turin. Au coup d'une vieille jument qui est maltraitée par son cocher, et on a là une crise de compassion qui est une crise de larmes et qui est le signe de l'effondrement de Nietzsche. Donc, on est là dans un pleur moral. Hein. Mais on peut aussi essayer de dépasser et de surmonter le pleur moral, donc le pessimisme moral, hein, par un rire qui peut être accompagné de pleurs, puisqu'on peut pleurer de rire, hein, par un rire transcendant, si j'ose dire, un rire de dépassement, qui serait un rire véritablement tragique, c'est-à-dire qui accepte fondamentalement les vérités les plus cruelles de l'existence en les affirmant une infinité de fois. C'est pour ça que il y a deux personnages qui correspondent au rire nietzschéen, c'est Zarathoustra d'une part, qui est en quelque sorte l'homme qui annonce le passage du surhomme, le passage au surhomme, hein, qui accepte donc les vérités les plus cruelles de l'existence, et notamment l'éternel retour, la pensée de l'éternel retour, puisque je rappelle que l'éternel retour est l'objet d'une pensée, mais c'est pas une thèse cosmologique. Il faut penser l'éternel retour des choses. Il faut accepter d'être assez fort pour penser cette vérité. C'est un exercice de pensée. C'est un exercice de pensée. C'est une épreuve au sens propre du terme de la pensée. Et puis le deuxième personnage, c'est Carmen. C'est-à-dire, c'est la réponse nietzschéenne au pessimisme moral de Wagner, ou si vous préférez à Brunhilde, hein, Brunhilde comme femme romantique qui sauve les hommes, qui sauve la vie, etc. Je veux dire, la réponse nietzschéenne à Brunhilde, c'est Carmen, parce que Carmen accepte, de porter son désir jusqu'à la mort. C'est pour ça que, la réponse nietzschéenne, elle est du côté de la femme fatale. Elle est du côté de Carmen et elle est même peut-être du côté de Médée, la Médée de Sénèque, qui égorge ses deux garçons sous les yeux de Jason pour se venger et qui ensuite s'envole, parce que c'est une sorcière, elle s'envole dans les cieux. Et Sénèque dit bien que les dieux se taisent. Les dieux n'ont pas la force de répondre à cet acte, parce que c'est l'affirmation fondamentale d'une vie dans toute sa cruauté, hein, qui finit par... Par-delà la morale, par-delà le bien et le mal. Ah, par-delà le bien et mal. La Médée de Sénèque est sans doute la pièce de théâtre la plus immorale, ouais, qui soit. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que Nietzsche puise chez Héraclite, cette dimension non pas immorale, mais amorale, cette volonté d'aller par-delà le bien et le mal? Alors, il aurait aimé sans doute voir chez Héraclite cette amoralité fondamentale, mais vous savez, Nietzsche est un auteur pas commode. Hein, il peut avoir la belle humeur, mais il est souvent de mauvaise humeur. Hein, c'est quand même... un type qui écrit sans arrêt des exocètes, il tire au bazooka, hein, et il fait de cadeaux à personne, finalement. Bon, à Héraclite, il en a fait plus qu'à d'autres, ça c'est indiscutable. Mais il reproche justement à Héraclite, son fond moralisateur, et il va même jusqu'à voir, quelquefois chez lui, des traces d'idéal ascétique, c'est-à-dire des traces de ressentiment, des traces de vengeance, contre les sens, contre la vie du corps, peut-être même contre la joie, hein, parce que Héraclite a dû sans doute penser que la gaieté et la joie étaient des passions mal placées et des passions qui ne se fondaient pas, hein, et que c'était de l'ordre du divertissement, hein, pour employer un terme pascalien. Bon, Nietzsche va quand même toujours garder une réserve par rapport à Héraclite sur cette moralisation des pleurs et des mœurs. Mais ça veut dire que chez Nietzsche, il y a non seulement une évolution de sa lecture d'Héraclite, mais aussi une construction parallèle de sa propre pensée. Au fond, les deux ne sont pas dissociables. Parce qu'il se construit aussi en s'opposant progressivement à certaines choses d'Héraclite ou en le dépassant. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pour ça que je vous disais au début, il faut toujours penser que Nietzsche est un grand travailleur, un grand lecteur qui revient sans arrêt sur ses idées. C'est quelqu'un qui rumine au sens propre du terme, hein, comme le ruminant, mais il rumine pas une vengeance, hein, il rumine des textes, est un grand lecteur, et c'est un grand lecteur aussi de lui-même. Il travaille comme ça. Bon, et ce qui est intéressant, c'est l'idée que je disais la reconnaissance d'une forme de légitimité philosophique. Lévi-Strauss dit « on ne chemine jamais seul sur le chemin de la création ». Nietzsche va sans arrêt reprendre justement cet héritage héraclitéen. Il va construire, hein, on a les trois grandes périodes de production nietzschéenne, hein, et c'est à partir de la deuxième période, à partir de Humain trop humain en particulier, que le regard sur Héraclite va changer, et il va essayer de l'utiliser davantage philosophiquement. Je parlais de la question, par exemple, esthétique. Oui. La question des schèmes esthétiques, il dit bien qu'il doit à Héraclite l'idée que finalement il faut considérer la nature de manière esthétique, et peut-être que l'homme lui-même est une forme d'œuvre d'art de la nature. Il y a un héritage là qui est très positif. Alors vous avez bien insisté sur la nature des pleurs, il faut dire un mot sur la nature du rire, qui est peut-être celui de Nietzsche, c'est le Joker qui va nous y aider. What if we say no? Well, Tony, nobody wants a war. Si on ne peut pas faire d'affaires ensemble, on se serre la main et puis voilà. Oui? Eh oui. Ouh. Oh, mais c'est la fée électricité. Ah, cet Antoine, il fume dès qu'on l'asticote. T'es cinglé. On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir? Et oui, parce que le rire ne fait pas toujours rire. On peut commencer par là, Philippe Choulet. Il est un rire, et celui du Joker, ici, le Joker de Tim Burton, en 1989, ô combien, qui met mal à l'aise et qui montre, alors même qu'il est en train de revendiquer que le rire peut guérir de tout, au contraire, ce rire-là semble nous éloigner complètement du réel lui-même. C'est un rire destructeur au sens malsain, pas au sens productif nietzschéen. Oui, parce que c'est un rire sarcastique, c'est-à-dire c'est un rire ironique, c'est le rire de la jouissance, de la destruction. Pour le coup, on pourrait dire que c'est un rire éminemment subjectif et pathologique, alors que le rire nietzschéen n'est pas du tout subjectif et pathologique. Le rire nietzschéen, c'est un rire dionysiaque, c'est-à-dire c'est un rire aux éclats, au sens où on est dans le plaisir esthétique de l'éclatement de l'être. Alors c'est évidemment un peu étrange à penser parce que il faudrait qu'on ait des phénomènes, hein. Mais il y a cette idée que Nietzsche dit « Tout ce qui est décisif ne naît que malgré ». C'est-à-dire qu'il s'agit de rire malgré le tragique du monde, malgré le fait qu'il n'y ait rien, et que finalement nous sommes en butte à des phénomènes, à des apparences, à des choses qui sont fluentes, nous sommes éphémères. Hein. Il y a chez Nietzsche cette idée très importante selon laquelle nous ne faisons que passer, hein, c'est une idée héraclitéenne, que nous devons être des êtres, en tant qu'hommes, des êtres modestes. Je sais pas, Spinoza disait « nous sommes des modes de la substance » et nous ne sommes pas des substances. Voilà. Et cette idée du rire dionysiaque chez Nietzsche, elle est, comment dire, elle accroche quelque chose de cette sagesse qui est au-dessus, justement, du drame moral, du pessimisme moral, si j'ose dire, de la maladie qu'on pourrait en faire. Hein. Dans l'extrait que vous venez de passer, il y a l'idée que on ne vous a pas dit que le rire guérit tout. Mais, dit Nietzsche, il n'y a pas besoin de guérir, nous ne sommes pas malades, la vie n'est pas une maladie. Ça, c'est la réponse à Schopenhauer. C'est aussi la réponse à Héraclite, parce que les pessimistes grecs, on peut penser par exemple à Anaximandre, hein, dont Héraclite semble avoir été assez proche sur la question de la notion de justice, il y a une idée comme ça que la vie est une maladie. Il aurait mieux valu ne pas vivre. C'est ce que Sophocle fait dire à Œdipe, etc. La vie est une malédiction. Nietzsche dit, mais écoutez, non, revenez un peu sur Terre, c'est le cas de le dire. La vie n'est pas une malédiction, la vie est une bénédiction, il faut la bénir, et la meilleure manière de la bénir, c'est d'en rire. C'est-à-dire, il y a cette idée... Alors, Nietzsche la métamorphose, parce qu'il l'apprend à Héraclite, de la puissance du devenir, mais c'est une puissance innocente. Il n'y a pas de culpabilité du devenir. Innocente. L'innocence du devenir. Voilà. Ça, c'est Nietzsche qui le dit. Ça, c'est Nietzsche qui le dit. Mmh. C'est Nietzsche. Voilà. Alors que Nietzsche voit dans Héraclite l'idée que le devenir est une forme de culpabilité. Puisque finalement nous sommes mortels, nous sommes des êtres finis, nous allons à la mort, nous sommes punis par nos errements, par notre ignorance, etc., par notre paresse, que sais-je encore. Nietzsche dit, écoutez, il faut pas, vous pouvez pas prendre les choses comme ça, parce que la vie n'est pas une maladie. Et donc le rire n'est pas un rire de guérison. Le rire, c'est pas un rire de médecin. C'est pas un rire hippocratique. C'est un rire fondamentalement immanent à la vie. Ou si vous voulez, comme la vie crée une infinité de formes, le rire en nous crée une infinité d'humeurs. Et des humeurs positives, des humeurs de joie, des humeurs de création, hein, des humeurs d'invention de soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la vie comme Dionysos la prend, c'est-à-dire il faut rire aux éclats. Mais vous imaginez Nietzsche rire aux éclats ? Non, ça c'est sûr. C'est ça le souci. Oui, oui. En plus, les photos qu'on a de lui sont bouleversantes, mais c'est des photos de Nietzsche en fin de vie, absolument morbides et très intenses. Mais moi, je ne l'imagine pas éclater de rire, Nietzsche. C'est vrai, non, parce que c'était un être... Vous savez, Nietzsche, quand on regarde les témoignages des contemporains, même des gens qu'il a rencontrés en voyage, puisque c'était un grand itinérant en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, évidemment, etc. Nietzsche fait figure d'un homme extraordinairement cordial, extraordinairement aimable, très attentif, même envers, je sais pas, il rencontre des commerçants, il rencontre des ploucs, si vous voulez. Il ne se départit jamais d'une certaine forme de politesse et même de certaines formes d'humour qui mettent de l'huile, si vous voulez, dans les relations. C'est pas un intellectuel coincé. Hein. Il y a quelque chose de très avenant, de très amical dans sa personnalité. Ça a toujours beaucoup choqué les contemporains. Ça les a beaucoup étonnés parce qu'à côté, vous avez l'écrivain boutefeux qui ne fait de grâce à personne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à côté, vous avez un homme qui est le plus aimable homme du monde. Et par exemple, les témoignages de Lou Andrea Salomé, hein, d'ailleurs le poème de l'hommage à la vie est un poème héraclitéen, indiscutablement. Lou Andrea Salomé dit bien qu'un des charmes de Nietzsche, c'était vraiment cette espèce d'amicalité humoristique, pleine de distance et de grâce. Hein. Alors, je vous accorde que c'est pas parce qu'on est un théoricien de Dionysos qu'il faut être dionysiaque. Oui, puis surtout, j'irai plus loin, les théoriciens du rire sont rarement les plus drôles. Sans doute. Si la théorie éloignait de la spontanéité de l'humour, voyez. Oui, oui, mais l'humour ne fait pas toujours rire, ça c'est sûr. Non. Ouais. Alors que l'ironie fait rire d'un rire sarcastique, hein, de Socrate à Voltaire, etc. Nietzsche est quelquefois un grand ironiste, indiscutablement, hein, quand il est méchant, quand il règle des comptes, etc. Il a quand même des vacheries assez prononcées et assez fréquentes, hein, contre Flaubert, par exemple, etc. Il l'appelle cul de plomb. Oui, le cul de plomb. Je te tiens là, nihiliste, parce qu'il écrit assis. Mais à côté de ça, il y a aussi, comment dire, des déclarations d'amour qui sont pleines de tendresse. Hein, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Héraclite est sans doute le philosophe, ou en tout cas le penseur, le sage, le plus épargné du corpus nietzschéen. Ça, c'est indiscutable. Et s'il dépasse le pessimisme moral d'Héraclite, on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il devient optimiste. Ah non, pas du tout. Non, non. Non, ça, alors là, c'est, si j'ose dire, dans l'échelle de valeur nietzschéenne, le plus bas degré de la conception de la vie, c'est l'optimisme. Hein, au-dessus. Ah oui, c'est quasiment une insulte, ah, oui, en fait, non, l'optimisme. Ah oui. Oui, oui, oui, oui. Là, il en veut beaucoup à Leibniz d'avoir rationalisé l'optimisme. Ça, c'est certain. Après, vous avez le pessimisme moral, et ensuite, vous avez le pessimisme dionysiaque. Quel pessimisme tragique, c'est le même ? C'est le pessimisme tragique. Parce que mais c'est ça, le ouais. vrai tragique. C'est voilà. C'est un tragique qui ne s'appuie pas sur une conception de la nature. Il n'y a pas de salut. Parce que le reproche ultime que Nietzsche adresse à Héraclite, c'est de ne pas être assez tragique. Oui, c'est de ne pas être assez tragique. C'est-à-dire de ne pas accepter que la blessure de la vie est une blessure constamment ouverte. On ne peut jamais la cicatriser. Mais... C'est ça la vision véritablement tragique, c'est-à-dire que il n'y a pas de salut et il n'y a pas de guérison. On est devant la plaie ouverte de la vie. Et il faut être suffisamment fort pour supporter cette idée, donc on revient à la question de l'éternel retour, cette idée d'un éternel retour, d'un retour infini, de l'idée que la vie est absolument tragique, c'est-à-dire qu'elle... Elle ne peut pas être guérie ou cicatrisée puisque ça n'est pas une maladie. Donc, il faut l'affirmer puisque nous sommes des êtres vivants. La seule chose qu'a à faire un être vivant, c'est d'affirmer sa vie une infinité de fois. Si possible en riant. Et si possible en riant. Mais c'est sans doute assez rare. Vous y arrivez, vous ? Ça m'arrive, effectivement. Bon, on va se quitter avec un rire qui est un pleur, qui est un chant. Cry Baby de Janis Joplin. Merci infiniment Philippe Choulet d'être venu nous parler d'Héraclite et de Nietzsche ce matin. C'est un grand plaisir de discuter avec vous. On mettra en ligne votre bibliographie, notamment l'article que vous avez consacré à Nietzsche versus Héraclite, Nietzsche qui rit, Héraclite qui pleure, qu'on trouve dans les cahiers philosophiques de Strasbourg. Merci encore et à bientôt j'espère. Et sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. L'artiste est-il un entrepreneur comme les autres ? Eh bien, je vais vous raconter ça. Alors, je suis quelqu'un de plutôt pudique, mais je n'ai pas vu d'objection majeure à raconter pour un magazine estival mon premier baiser. Les articles de commande, je l'avoue, constituent la part la plus agréable du métier d'écrivain, jusqu'à ce qu'on reçoive le mail de la comptabilité qui nous demande de remplir une fiche de renseignement et de renseigner notre statut fiscal. C'est à ce moment, en général, qu'arrive la crise de la page blanche, le dégoût de soi, l'envie de tuer des gens chez Microsoft. Comme beaucoup, les choses administratives m'angoissent et je sais que tous ces articles et récits de voyage que j'écris en général, dans un grand état de bonheur, ne sont que les cendres de mes petites écritures comptables, le vrai journal intime de mes névroses, la part kafkaïenne de ma vie. Mon seul double littéraire est un auto-entrepreneur. Les seules sirènes qui me hantent sont celles du système d'identification et de répertoire national des entreprises. Bref. J'ai été agacé quand, convié à une sorte de table ronde sur le monde de la culture, on m'a demandé si le statut de l'artiste ne préfigurait pas celui du travailleur de demain. Quelques éléments de contexte, peut-être, c'était les années El Khomri, les années loi travail, Macron perçait déjà sous Hollande et la gauche avait achevé alors sa conversion au néolibéralisme. On parlait encore, pour le dire autrement, d'Uber comme d'une libération, de Deliveroo comme d'un progrès social. Et tout ça, je l'ai ressenti ce jour-là à la forme si pernicieuse de cette question, c'était un peu de ma faute. Oui, je sens, Aurélien, dans vos propos, le traumatisme de la déclaration fiscale. Hein, c'est la période de l'année. Alors racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Eh ben, j'incarnais à ma modeste mesure, mais entrée en littérature avec la success story d'un milliardaire, je l'avais bien cherché, j'incarnais la concrétisation d'un rêve, celui de la classe moyenne, des enfants d'employés qui avaient réussi par leur seul talent, là où quantité d'autres avaient échoué. Horrifié à 20 ans par la brutalité et la monotonie du monde du travail, magasinier dans un entrepôt Royal Canin ou metteur en rayon au rayon frais dans un hypermarché Leclerc, je m'étais bien fait la promesse de ne travailler jamais et, à ma manière, je l'avais tenu. Ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'on pourrait un jour me citer en exemple, non pas pour mes qualités artistiques à proprement parler, mais pour la façon artistique dont j'avais mené ma carrière, ne rechignant pas devant la précarité, me réalisant dans le déséquilibre, affirmant mon indépendance. Si tous les Français avaient eu mon courage et mon ambition, on aurait encore une croissance à deux chiffres. J'étais en fait très mal à l'aise et en même temps intéressé. Car si c'était à cela que mettait le mythe que menait le mythe romantique de l'artiste, tout s'éclairait un peu. Le génie, l'élément paresseux en moi, le savait depuis toujours, n'était que du travail dissimulé. Pour moi, une façon de dissimuler que je ne travaillais pas beaucoup, pour le système capitaliste qui m'avait accueilli à bras ouverts, que c'était très bien que je n'embête personne avec mes heures de travail. L'artiste étant, avant de posséder un talent quelconque, ce travailleur pudique qui ne compte pas ses heures. Oui, donc si je vous suis bien Aurélien, l'artiste ne serait pas tant un entrepreneur qu'un employé modèle. Exactement, l'indépendance même, à ceci près que ce dégoût affecté que je mets à remplir mes factures est étrangement similaire à celui du petit patron libéral se plaignant des raideurs administratives et réglementaires. Rarement on aura vu employé mieux accordé aux intérêts de son patron. Et quand par malheur la question d'un salaire minimal est posée, c'est l'artiste lui-même, en toute sincérité et dans la commémoration émue de ses années de bohème, qui sera le plus opposé, certain que la dureté du monde est ce qui l'a fait passer de la condition d'employé de la vie à celle d'artiste de lui-même, à entrepreneur de son destin, quand bien même il aurait, c'est mon cas, écrit son premier roman sur la rente flaubertienne de ses allocations chômage. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission et donc à contribuer à rendre cette série sur les fragments d'Héraclite possible. Aujourd'hui, c'est Jules Barbier qui a préparé l'émission en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, vous l'aurez évidemment entendu, reconnu, son doigté inimitable Jean-Guilain Meige. À la lecture des textes, c'était Denis Podalides. On se retrouve demain pour la suite de notre série. On continuera d'essayer de percer le mystère Héraclite, ou au contraire de le préserver. Demain, on sera en compagnie d'Heinz Wissmann, qui viendra vous raconter l'impossible rencontre avec le réel que l'on déduit de la lecture des fragments d'Héraclite. C'était absolument passionnant. On se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster, la télécharger via l'application Radio France, iTunes, Spotify, quelles que soient les plateformes. Écoutez-la comme vous voulez et où vous voulez. Et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de vous y croiser. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.